15h30, 16h sur Fadjet, à vous l'antenne. À vous l'antenne. Bonjour à tous. Je m'appelle Pierre, je suis scout depuis l'âge de 8 ans. J'ai donc toujours été scout durant mon enfance, puis chef. Je suis donc ce qu'on peut appeler un jeune. Or, aujourd'hui, la place des jeunes est discutée. On les accuse souvent de manque d'ambition, de manque de dynamisme, mais également d'isolement vers le monde autour d'eux, des réalités et des autres personnes qui vivent avec eux. Or, moi, ainsi que ceux autour de cette table, nous croyons en cette jeunesse, tout d'abord car nous la représentons. Nous en sommes des acteurs ou des partenaires, mais dans tous les cas, cette jeunesse scout est ambitieuse. N'hésitons pas à se réunir à 15 000 un mois de juillet sous une tempête. Elle est dynamique chaque week-end et elle est actrice de ce monde. Elle participe au débat de la COP21 ou encore en accueillant toutes les religions, toutes les nationalités et tous les jeunes. Le scoutisme a encore de belles années devant elle et c'est ceux qui sont autour de la table qui vont vous le démontrer. Ils vont donc se présenter l'un après l'autre. Bah, salut tout le monde, moi je m'appelle Jacques, je suis en terminale, en ES, donc j'en profite pour faire un petit coucou à toute ma classe, la première ES3. Alors moi je suis ce qu'on appelle un pionnier, donc j'ai à peu près un an de scoutisme à mon actif, et vu que j'ai bientôt 17 ans, je vais passer au compagnon qui est, on peut dire, le grade supérieur, avec un petit voyage humanitaire à la fin, qu'on doit organiser nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Sylvain Maloui, j'ai actuellement 17 ans et je suis en terminale ES2 à Cigis, donc je salue toute ma classe et Monsieur Lamouret que j'aime beaucoup. Donc je n'y connais rien, je suis totalement novice au scoutisme. Voilà. Alors moi c'est Marie-Lys, je suis une nouvelle scout aussi. Dans la vie je suis animatrice, ça fait 7 ans que je travaille. Donc, Jo Pascal, donc 38 ans, responsable de groupe à Ludre. Et j'ai connu le scoutisme depuis ma jeunesse. J'étais donc également chef d'unité et me voilà aujourd'hui responsable d'un groupe. Merci à tous d'être là. Merci à tous de parler du scoutisme. Mais avant de vous donner la parole, quel est le scoutisme pour vous ? Souvent, le scoutisme, on met des stéréotypes sur le scoutisme. Qu'on est un mouvement réactionnaire, qu'on est un mouvement traditionnel ou trop religieux. Et pour le savoir, on est descendu dans la rue avec Jeanne qui a fait l'émission avec moi. Pour demander aux gens, et je pense que les réactions des gens vont vous surprendre. Est-ce que vous pourriez définir les scouts en deux mots ? Le scoutisme, moi je dirais que c'est des enfants qui vont dans les bois. Généreux, utile ? Non. Je sais pas. Respect, éducation ? En fait, j'ai moi-même été scout, alors. C'est un mouvement de jeunes chrétiens, je pense assez dynamiques, qui ont des valeurs. Un engagement pour moi, je dirais. Et un groupe. Expérience, nature, groupe, quelque chose comme ça. Découverte et... Enfin, c'est intéressant, enfin je sais pas... Selon vous, que font les scouts ? Bah, ils font aussi des missions sociales. Enfin, par exemple, ils aident des personnes âgées ou ils s'occupent un peu aussi de la planète, de l'environnement. Ils alternent des réunions entre eux. Ils essaient de vivre dans la nature, de développer aussi l'aide aux autres. Enfin, d'être attentifs au monde d'aujourd'hui et de prendre leur place dans le monde d'aujourd'hui. Ils apprennent... la vie. Une relation avec la nature, avec autrui, développement des valeurs chrétiennes, et puis aussi une action de bénévole pour aider son prochain. Les scouts font des... On fait des randonnées, on fait des organisations, des trucs sociaux dans la commune, on part en vacances, on fait des choses avec les plus petits, avec les plus grands de la communauté. Ils découvrent la nature, enfin je sais pas. Tu sympa. Mais si, ils apprennent à faire du feu, à vivre en forêt, enfin... Combien pensez-vous qu'il y ait de scouts en France? Une idée, je sais pas, 5 000? 100 000 à peu près. Pas 500 000? 30 000? Plusieurs milliers, je dirais. 3 000? Je sais pas, 10 000. Vrai ou faux, y a-t-il des scouts bouddhistes? Plastique, hein. Peut-être, si tu poses la question. J'en sais rien. Je pense que c'est vrai, mais j'en suis pas sûre. Vrai? Ça s'appelle pas de la même façon, sans doute? Non, je pense pas, non. Vrai? Je sais pas, vrai. Vrai ou faux? Faut-il porter un short, des chaussettes et un chapeau? Ah non. Vrai. Je pensais que c'était un string et un boa. C'est pas une obligation, mais pourquoi pas? Moi, je l'ai porté pendant 3 ans. Non. Pourquoi c'est faux. Non. Et enfin, est-ce que vous avez vu le film avec Gérard Jugnot sur les scouts? Non. Non, je l'ai pas vu, désolé. J'en ai entendu parler, mais non, j'ai pas vu. Est-ce que vous avez vu le film de Gérard Jugnot sur les scouts et reflète-t-il la réalité selon vous? Pas du tout. C'est un film complètement nul qui est à côté de la réalité que j'ai moi-même vécu. Oh, il date le film là, oui, il me dit quelque chose. Oh, bah, c'est marrant. Non, et donc non. Merci d'avoir écouté pour l'instant le micro-trottoir. Alors, oui, c'est pas tout à fait ce que c'est les scouts. Après, déjà, on a pu s'apercevoir qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient le scoutisme. Toi, Marie-Lise, t'es nouvelle dans le mouvement, pour toi, comment t'es venue au scout, en fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est en parlant avec une amie qui est en fac de médecine, en fait. On parlait des formations BAFA, de l'animation, et elle m'a dit, ah, bah, si ça t'intéresse, je peux te mettre en contact avec un groupe de scouts sur l'Udre. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, allons-y. Du coup, tu as contacté Jean-Pascal qui est à ma gauche. Jean-Pascal, tu as souvent des jeunes qui ne sont pas des scouts, qui viennent aux scouts. Et si oui, qu'est-ce qu'ils disent? Que ce soit des pionniers, des chefs, des compagnons? Alors oui, on a deux catégories de personnes. On a les jeunes, déjà, qui veulent découvrir ce que c'est que le scoutisme par rapport au micro-trottoir. Hein, c'est vivre dans la nature, construire des cabanes, etc. Ils sont pas trop encore axés sur la tenue, sur ce qu'on doit porter, etc. Et puis après, il y a, comme Marie-Lise, oui, voilà, il y a des... encore jeunes, qui veulent découvrir le scoutisme, voilà, qui ont plus conscience de ce que c'est que le scoutisme, qui est donc un mouvement donc populaire. Elle sait l'importance que ça a, le scoutisme, mais elle n'a pas forcément l'impact de notre mouvement sur la société d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est deux discours différents qu'il faut tenir. Et toi, Sylvain, c'est ça? Oui. Tu as un avis extérieur au scoutisme, même si tu as des amis, t'es pas forcément scout. Non, pas donc, du tout. Pour toi, c'est... Enfin, qu'est-ce que c'est le scoutisme? Demain, tu devais t'engager, pourquoi tu irais au scout? Je pense que c'est la solidarité, et aussi parce que le scoutisme, ça aide à former la jeunesse, à avoir une certaine discipline. On a pris une fiche d'adhésion pour Sylvain? Non. Non. On lui a promis de ne pas l'adhérer à l'issue de l'émission. Ok. Mais attendez, parce que le scoutisme, ouais, après, c'est quand même une grosse responsabilité pour l'adulte. Enfin, tu vois, par exemple, tu vas devoir te déguiser en Marie-Antoinette ou en Marco Polo la semaine prochaine. Ça t'embête pas, ça, de te déguiser comme ça, alors tu pourrais aller à des soirées étudiantes le week-end? Non, pas du tout. Je fais ça pendant toutes les vacances, les grandes vacances, les vacances scolaires, et ça me dérange aucunement. Je trouve ça même génial. Mais du coup, est-ce qu'il faut être animateur dans la vie de tous les jours pour être animateur chez les scouts? Non, pas forcément. On peut arriver et rien connaître du tout à l'animation et puis être scout, quoi. Enfin, je pense que c'est... Mais si on n'a pas des qualités d'animateur, est-ce qu'on peut quand même essayer d'être chef chez les scouts et guides de France? Ouais, parce que je connais des amis qui ne sont pas du tout animateurs dans l'année ou qui n'ont jamais fait de colo ou de centre aéré et qui sont scouts. Donc, ouais. Et toi, Jacques, tu voudrais être chef plus tard? Bah, pourquoi pas, hein? Pourquoi? Bah, je sais pas. Moi, les scouts, je suis scout depuis 1 an, je m'amuse bien. Franchement, je m'éclate bien et je me dis qu'être chef, ça peut être pas mal. Je peux continuer l'expérience, même en étant, entre guillemets, vieux, on va dire. Ouais, enfin, on n'est pas vieux non plus. Hein. Oh. Mais du coup, vous faites quoi pendant les vacances d'été, en gros? Pendant les vacances d'été, bah, les dernières vacances, on a fait un camp itinérant. Donc, on a construit des radeaux, on a fait 80 km en radeau pour aller à Strasbourg. Et après, on avait une semaine de camp, le Jamboree, donc, où on était à 15 000 et où on s'est pris une tornade, entre autres. Ça veut dire quoi, de Jamboree? C'est le créateur qui a inventé ça. C'est un mot zoulou pour dire rassemblement, si je ne me trompe pas. Le créateur. on parle de Madame Poël, hein, de divinité. Toi, Sylvain, tu fais quoi les étés, du coup, comme t'es pas scout, enfin pas encore? Oh non, je pense pas être scout, je suis pas assez bon. Moi, j'ai élargi ma culture littéraire, je me suis renseigné sur la Beat Generation, et j'ai su aller en boîte pour voir la déviance de notre société actuelle. j'ai également élargi, j'ai vu beaucoup de films, voilà. T'as fait quoi tout cet été, Marie-Lise? je suis partie en Corse. En camp d'ado pendant un mois, et puis après, petites vacances et formation BAFA. Voilà. Et du coup, tu t'es dit à l'entrée, il faut que je porte une chemise et un foulard, il faut que je sois scout l'été prochain, je veux absolument partir, faire à manger sur le feu et tout ça, tout ça. Bah pourquoi pas, ouais, ça changerait un petit peu. Ça c'est sûr. Et toi, tu te dis pas trop justement que... Tu dis que la société est déviante, mais en quoi elle est déviante? Est-ce que c'est pas parce que justement, c'est pas le scoutisme qui manque? Est-ce que c'est pas justement cette relation avec la nature? C'est pas vraiment ça, parce qu'on peut tous avoir cette relation, par exemple, cette relation, que je perds mes mots, par exemple, il y en a beaucoup qui croient que l'homme doit vivre avec la nature, il y a Henri Rousseau qui pensait ça. Mais moi je pense que l'homme doit vivre avec la société sans être un paria, parce que c'est pas bien d'être un paria. Et la société doit être évoluée, et être scout, c'est peut-être un moyen de changer, d'être meilleur, d'avoir un esprit de famille. Après, je reprends tes mots, hein, Sylvain, tu disais que tu n'étais pas assez bon pour scout. Ouais. Toi, Jacques, tu penses qu'il y a des critères pour scout? Alors, pas du tout, moi j'ai envie de vous dire. Tant qu'on a la motivation, ça passe. Franchement, je vous dis, moi, le scout, le groupe, c'est un peu comme une seconde famille. On est tous super potes, on s'entend tous bien. Donc, tant qu'il y a un bon groupe, tant qu'il y a la motivation, tout le monde peut devenir scout. Parce que moi, je me souviens, par exemple, que j'ai jamais réussi à chanter, donc je suis un mauvais chanteur. Et pourtant, les chefs m'ont toujours dit qu'il ne fallait pas avoir de capacité dans le chant, par exemple. Donc, déjà, il ne faut pas être bon en chant, il ne faut pas être bon autre part. L'essentiel, c'est d'être toi, justement, en scoutisme, non? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Jean-Pascal, à des parents qui veulent inscrire leurs enfants demain au scout? Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas le critère de bon ou de mauvais, hein. Je pense que tout le monde a une richesse en soi et que cette richesse-là, il faut la faire partager à tous. Quoi dire aux enfants? Aux enfants, on est là pour justement les prendre comme ils sont et monter les projets avec eux tels qu'ils sont. On n'est pas là pour dire « Oh non, bah toi, tu sais pas faire, donc on te met de côté ». Bien au contraire, on est là au début, quand ils sont jeunes, à leur tenir la main, hein, on les accompagne. Plus ils deviennent grands, plus on se lâche la main. Mais non, il n'y a pas de critère de bon ou de mauvais. Hein. Voilà, on a tous des richesses. Il faut vraiment profiter de ça pour vivre tous ensemble. Est-ce que vous, les jeunes qui êtes encore dans le lycée, à la cour de récré, ils disent quoi quand, enfin, surtout toi, quand ils disent, quand on dit, bah voilà, je suis scout, je passe mes week-ends dans les tentes. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, déjà, on a affaire un peu au vieux cliché où ça va être les scouts vraiment. On va être en short l'hiver ou courir à moitié nu dans la forêt. C'est pas tellement l'optique du scoutisme, j'ai envie de vous dire. Et après, quand je leur explique ce qu'on fait, quand je prends le Jamboree, les 80 km en radeau, ça fait plus « Ah ouais, c'est cool, ça a l'air sympa ». Après, quand j'ai essayé de ramener du monde, la seule reproche qu'on m'a fait, c'est « Ouais, mais faut vraiment s'engager, j'ai pas envie de... » Il y en a, ils m'ont dit « J'ai pas envie de passer tous mes samedis, ou même un samedi sur deux, engagé ». Du coup, tu leur dis quoi, toi, après, pour qu'ils viennent? Bah, je leur ai dit que l'engagement, ok, il y a un engagement, mais il y a quand même un super truc à la fin. Enfin, un camp comme ça, je peux vous dire que c'est franchement une expérience de fou. J'imagine bien. Mais toi, Marie-Lise, tu faisais quoi avant les scouts? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait venir au scout? Déjà, parce que est-ce que tu étais dans le monde de l'animation? Après, tu nous as dit pourquoi t'as aidé au scout, mais... Alors, moi, ça fait des années que j'ai envie de rentrer, en fait, dans le monde du scoutisme. Mais j'ai jamais eu l'occasion parce que manque de temps et puis peut-être un manque de motivation, je pense. Et je travaille dans l'animation tout le long de l'année, quoi. Je suis en périscolaire sur l'AXO, donc c'est quelque chose à découvrir, en fait, même si ça demande du temps, comme tu dis. Ouais. C'est, ouais, il faut s'investir et être présent, quoi, même si c'est du bénévolat ou quoi que ce soit. Faut être motivé, je pense. Ouais, le bénévolat est pas forcément évident, mais après, ça passe quand même assez vite. Enfin, c'est assez bizarre comme sensation. Je sais pas si t'en penses quoi, Jean-Pascal, parce que toi, t'es chef de groupe, donc tu comptes pas vraiment tes heures, quoi. Non. Après, il y a une formule qu'on pourrait dire que chacun donne le temps qu'il a à donner au mouvement du scoutisme. Certains donnent une heure, certains donnent 10 heures par jour, d'autres beaucoup plus. Je sais pas si on doit vraiment calculer en question de temps. Je m'en rends pas compte de savoir si ça prend beaucoup de temps. Une réunion bien préparée, c'est sûr, il faut une heure ou deux avant pour la préparer, plus le temps qu'on passe avec les jeunes. C'est un investissement horaire. Tu l'as dit, Marie-Lise, c'est du bénévolat. Le bénévolat est quand même quelque chose, au jour d'aujourd'hui, encore délicat à ancrer dans les états d'esprit. Oui, c'est du temps, mais si on prend plaisir à faire ça, c'est comme pour une autre association, pour un travail, hein, on prend du temps. Et si on veut que ce soit bien fait, il faut un petit peu consacrer de temps aux enfants. Mais voilà, j'ai pas une sensation de pouvoir passer beaucoup, beaucoup de temps pour les animations. Après, voilà, chacun donne le temps qu'il veut. Du coup, sauf à toi peut-être Sylvain, mais si un jeune de 16 ans ou alors un étudiant vient vous voir en sortant du studio de Fadjet et vous dit, écoute, scoutisme, je sais pas trop, qu'est-ce que vous lui direz? Est-ce que vous, pour le faire venir ou au moins pour le faire changer d'idée? Je pense que je lui expliquerai à quoi ça consiste le scoutisme. Après, il fait ce qu'il veut. S'il veut pas être scout, il veut pas être scout. Mais je pense que ça apporte quelque chose, c'est une expérience comme une autre. Alors moi, je lui dirais tout bêtement, viens tester un petit week-end avec nous à camper et tu te feras ton idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça. C'est comme ça que j'ai fait. Non, par contre, Sylvain a raison. Si le jeune, on lui dit, c'est ce qu'on fait, c'est bien. Si on a vraiment la sensation de dire que ce qu'on fait, c'est bien, que le jeune ne veut pas, voilà, il ne faut pas insister non plus. Il perd quelque chose. Viens tester chez nous un week-end et tu me diras après ce que tu en penses. Ça, c'est plutôt pas mal. Je rappelle comme ça pour un peu conclure le débat, mais il y a environ 7 groupes à Nancy qui sont un peu répartis partout. Là, il y a Jean-Pascal qui vient de Ludre. Il y a un nouveau groupe qui s'est fait au Haut-du-Lièvre, donc je pense que chacun peut trouver sa place déjà localement dans le groupe, et aussi en termes de propositions, c'est-à-dire que tous les groupes ne sont pas pareils. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui à aller rentrer en contact, et par rapport à ses affinités, aller dans un groupe, si on en a envie bien sûr, comme vous disiez. Mais ouais. Ouais, non, mais ça, c'est une bonne idée de leur proposer ça. Mais par rapport à ce que disait Sylvain, voilà, si le jeune ne veut pas, je pense qu'il faut pas le convaincre absolument. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, Pierre, il y a tellement de possibilités de s'amuser dans divers groupes, rien que déjà que dans la région nancéenne, que ce serait difficile de pas réussir à le convaincre. On disait que les scouts étaient connus pour plusieurs valeurs, plusieurs activités, mais aussi pour la musique. Donc aujourd'hui, on a droit à une pause musicale interprétée par Thomas à la guitare, Raphaël et Jeanne au chant et le petit Tom qui vont nous interpréter le monsieur en chemise de Marc Durand. Merci à vous. Je suis jaune, j'ai 8 ans et j'ai peur sans ma maman. Je sais rien faire, je pleure tout le temps et je me demande ce qui m'attend. Y'a un monsieur qui me regarde du haut de ses 25 ans, qui me dit t'inquiète pas, tu vas kiffer pour longtemps. Et il avait raison, le monsieur en chemise. Et il avait raison de me faire un petit peu la leçon. Je suis bleu, j'ai 12 ans et j'ai plus peur sans maman. Entouré de copains, ils ne sont jamais bien loin. J'ai appris, j'ai grandi, j'ai découvert la vraie vie. Et le monsieur qui me dit, tu vas voir, c'est pas fini. Et il avait raison, le monsieur en chemise. Et il avait raison de me faire un petit peu la leçon. Je suis rouge, j'ai 15 ans et je kiffe quand y'a plus maman. Entouré des mêmes gens qu'il y avait quand j'avais 8 ans. Y'a un monsieur qui me regarde du haut de ses 25 ans, qui me dit mon petit gars t'es en train de devenir grand. Et il avait raison, le monsieur en chemise. Et il avait raison de me faire un petit peu la leçon. Je suis vert, je suis majeur et je pense même plus à ma mère. bâtir des projets, à partir à l'étranger. Y'a un monsieur qui me dit, après ça c'est terminé. Je lui dis sûrement pas, à mon tour de faire rêver. Maintenant, c'est moi, le monsieur en chemise. Et maintenant, c'est moi, qui me permet de faire un peu la leçon. Ouh, merci à vous d'avoir fait cette belle chanson. Donc, on disait, la musique c'est important, mais maintenant on va faire un petit jeu. Notamment avec les nouveaux, ça va être un peu plus intéressant de voir ce qu'ils disent de mes petites questions. Du coup, je vais vous dire une question avec 4 réponses possibles. Et théoriquement, il doit y avoir qu'une bonne réponse. À vous de la trouver. Où se passera le prochain rassemblement mondial des scouts? Petit 1. Aux États-Unis, après la visite d'Obama dans un camp, pourquoi pas? À Strasbourg? Bah ouais, comme on disait tout à l'heure, une tempête, on peut le faire chaque année, non? À Paris, ça ne fait pas rêver de camper sur l'avenue des Champs-Élysées? Ou à Londres, lieu d'origine du scoutisme? Marie-Lise, on t'écoute. À Londres, lieu d'origine du scoutisme? À Strasbourg. À moi aussi. Allez... ce serait bien aux USA quand même. Moi j'aimerais bien Paris. Alors, à Londres c'était en 2007. À Paris ça sera cet été le Roverway avec les compagnons du monde entier, c'est-à-dire les 16-22 ans. À Strasbourg c'était l'année dernière avec les pionniers de France. Et aux États-Unis c'est le prochain rassemblement mondial aux États-Unis dans 5 ans. Du coup, qui sait quel point? Du coup, je dirais que c'est toi. Ah, cool. Le lot à gagner est une gamelle sale, donc pas évident. Pas cool. Comment on allume un feu? D'abord le papier, puis le bois et enfin l'allumette. Un feu? Mais pourquoi? On a une butte à gaz. Tu parles du feu, c'est essentiel pour cueillir, pour faire cuire plutôt, les recettes de la cueillette. Un allume-feu, des bûches et c'est parti. Sylvain. La première réponse. Marie-Lise. La première aussi. Un feu, mais pourquoi? On a le but à gaz. Jean-Pascal. Non, un feu, c'est pratique pour faire cuire l'écureuil. Eh bien, c'est la première réponse. Waouh. Du coup, Marie-Lise et Sylvain ont le point. Comment s'appelle la tente qu'on utilise chez les scouts? Canadienne. La tente de Madame Poel était de Montréal. Anglaise. Bah quoi, elle est pas anglaise, Madame Poel? À piquer. Bah, elle tient sur deux piquets, en fait. Australienne, aucune blague pour cette proposition. Marie-Lise. La canadienne. Vous pouvez me redire les 4 réponses? Je répète la question. Canadienne, anglaise, à piquer ou australienne? À piquer. Canadienne. Oh ben je ne savais pas que la tante de Baleine Powell était de Montréal, alors voilà, je viens d'apprendre aujourd'hui, donc je dirais canadienne. Alors c'était juste pour la blague. Hein. Ouais, c'est bien compris. Eh bien, c'était canadienne en effet. Il y a bien des piquets, mais ça s'appelle une tente canadienne. Dernière question avec un petit piège. Qui de ces personnalités a été scout? Charlie Couture? Bah oui, il n'a pas arrêté de coudre ses écussons quand il était scout. Jean Dujardin, à force de camper partout? Neil Armstrong, au scout, on regarde souvent les étoiles. Ou alors Bear Grylls, pardon pour l'accent anglais, l'animateur de Man vs. Wild, et qui a eu l'inspiration de cette émission en faisant la chasse des écureuils, comme disait Jean-Pascal. Jacques. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Copieur. Je sais pas, mais je dirais peut-être Jean Dujardin aussi. Bah, moi, je vais rester sur mon écureuil, hein. Je suis persuadé que c'est Bear Grylls. Alors, en effet, c'est les 4. Donc, c'était ça le petit piège. Tous les 4 ont été scouts, comme de nombreuses personnes, l'abbé Pierre, Jacques Chirac, et etc. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur le scoutisme pour l'émission? Vous avez la libre antenne, 2 minutes. Rejoignez-nous, achetez-nous des calendriers peut-être. Nous ne sommes pas une action commerciale. Voilà. Jean-Pascal. Oh bah moi je dirais que le scoutisme c'est un mouvement de jeunesse populaire qui est vraiment d'utilité publique. On met vraiment ça en application et on s'inquiète, nous je pense, les scouts et guides de France au jour d'aujourd'hui, de savoir comment vivre tous ensemble. Moi je dirais faites comme moi, venez découvrir. Bah moi je représente un peu les non-initiés, donc peut-être que j'irai en scout. Futur initié. Ouais, futur initié. Donc essayez, c'est toujours ça de gagner. D'accord. Moi, je vais remercier tout d'abord les auditeurs qui nous ont écoutés. Donc, peut-être nombreux sont scouts, peut-être ne sont pas scouts. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez nous rejoindre, en tout cas, nous parler, nous sommes présents tous les premiers mercredis du mois, dont ce soir à 19h au bar des Docks, donc à Nancy, en face de la cathédrale. Venez nombreux nous rencontrer et nous poser des questions. Ensuite, on remercie cette radio qui nous héberge chez Fadjet. Donc on est venu chacun avec notre tente canadienne et on l'a plantée depuis hier soir. Donc ils nous ont à nous supporter avec nos chansons et avec notre manque de professionnalisation. Mais on apprend tout doucement, c'est notre deuxième émission. Ensuite je dirais que oui, si vous avez envie d'aller au scout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc j'imagine que nos coordonnées seront sur le site de Fadjet. Et n'hésitez pas, étant donné que notre objectif est d'être 120 000 et qu'aujourd'hui nous sommes 70 000. Merci à vous et à bientôt.